Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle Jéhovah Tchikenou, le Dieu de justice. Je vais parler à quelqu'un. Tu es accusé injustement. Laisse Dieu-là te défendre et tu verras. Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi et tes accusateurs seront dans la confusion. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, 8 à 13. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Il y a trois vérités qui ressortent de ce texte. Voici la première vérité. La charité est éternelle, elle ne périt pas. Nous avons vu hier que nous pouvons avoir des dons, des langues. Nous parlons en langue, nous prophétisons, nous avons la foi qui peut transporter même des montagnes. Mais sans la charité, l'amour agapé, cela ne sert à rien. Vous voyez, ici l'apôtre Paul montre que la charité a une dimension éternelle. Elle ne périt pas. Les dons spirituels vont cesser. La connaissance va cesser. C'est pourquoi nous devrions plus développer la charité, l'amour. Dans l'église, ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Je parle à quelqu'un. Tu parles des dons des révélations. Tu dis que Dieu te donne des visions. Tu dis que Dieu te révèle beaucoup de choses. Et Dieu t'utilise pour opérer les miracles. Mais en même temps, tu es incapable de pardonner à ton prochain. En même temps, tu es incapable d'aider quelqu'un qui est dans les besoins. Mais à quoi servent tes révélations? En même temps, tes révélations sont en train de diviser l'église, en train de diviser la famille. Fais attention. Nous avons besoin de la charité. Voyez, l'apôtre Paul dit ceci au verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous mettons de plus en plus l'accent sur les choses qui vont disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître? Ici, il dit, les prophéties prendront fin. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Dans nos églises, on met plus l'accent sur les prophéties. Il y a même des endroits où on ne prêche plus la parole. On s'en va, on va faire une veillée de prière où le prophète est là, c'est pour te révéler qui est le sorcier de la famille, qui est la cause de blocage, pourquoi ton fils n'a pas eu les diplômes, pourquoi tu n'as pas eu les visas, du matin jusqu'au soir, ou bien toute la nuit. Qu'est-ce qui cessera? Il dit, les langues cesseront. Les parler en langue. Il y a des gens qui parlent les langues des hommes ou les langues des anges. Les parler en langue cesseront. Je vais parler à quelqu'un qui s'est fait trop de la peine parce que tu ne parles pas en langue. Si Dieu ne t'a pas donné de parler en langue, cela n'est pas grave. Ne te préoccupe pas, ne sois pas préoccupé de cela. Ne te fais pas de soucis parce que tu ne parles pas en langue. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Vous voyez, tout ce don de connaissance. Oui, il y a des gens qui ont la parole de connaissance, des gens qui ont des révélations, des gens qui peuvent te dire des choses cachées. Toutes ces choses passeront, mais c'est la charité, l'amour agapé qui ne passera jamais, qui est éternel. Deuxième vérité, laissons le comportement des enfants et soyons des hommes matures. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de montrer qu'un petit enfant a un comportement qui est différent de celui d'un adulte, d'un homme fait. L'apôtre Paul dit ceci, « Lorsque j'étais un enfant, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Vous voyez, il y a les trois éléments importants qui caractérisent un enfant. Il parle comme un enfant. Vous voyez, les enfants, quand ils parlent, ils ne réfléchissent pas bien. Ils parlent, tout ce qui leur vient en esprit, ils parlent. Lorsque tu es un chrétien mature, tu dois abandonner le comportement d'un enfant. Tu parles comme un enfant, sans réfléchir. Il dit, je pensais comme un enfant. Même au niveau des pensées, les enfants ont des pensées qui ne voient pas plus loin. Ils pensent comme un enfant et ils raisonnent comme un enfant. Vous voyez, il y a des raisonnements qui nous rendent captifs, qui nous rendent esclaves. Des raisonnements qui doivent être renversés. Et beaucoup de gens sont bloqué au niveau des raisonnements. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien, tu es bloqué dans ta vie, tu n'arrives pas à t'épanouir. Regarde, bien que tu travailles, tu as peur même d'acheter une télé, tu as peur d'acheter telle chose, tu dis, si les gens voient, ils vont me poursuivre, il y a des sorciers, tu as peur même d'acheter un terrain alors que Dieu t'a béni. Tu as encore des raisonnements d'un enfant, des raisonnements de peur, des raisonnements qui te bloquent. Il faut renverser ces raisonnements-là. Voyez, il dit, j'ai raisonner comme un enfant. L'une des choses qui caractérise l'enfant, c'est quoi? C'est la dépendance vis-à-vis des parents. Il y a des gens qui sont toujours dépendants. Regarde, tu as déjà dépassé 30 ans, 35 ans. Tu es toujours dépendant des parents. Tu habites toujours chez les parents. Tu ne te soucies même pas de ta vie. Tu ne te soucies même pas du mariage. Mais tu es toujours dépendant. C'est le comportement d'un enfant. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui ont le comportement des enfants spirituels. Ils sont des bébés spirituels. Ils ne savent même pas prier. Pour un petit, pour un rien, ils doivent appeler les pasteurs. Lorsqu'il voit les moustiques dans sa chambre à coucher, il dit que non, ça doit être des démons. Je vais appeler les pasteurs. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur à cause des moustiques. Tu dois grandir spirituellement. Quelqu'un qui devient mature, il est capable de prier. Il sait que Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut le nuire. Il connaît son identité. Il connaît ses droits parce qu'il lit la parole de Dieu. Il ne dépend pas toujours des pasteurs. Il y a des gens qui continuent à voir les pasteurs comme un féticheur. Avant d'ouvrir une lettre qui est venue du village, il faut d'abord que les pasteurs prient. Ça, ce sont des raisonnements, des comportements des enfants spirituels. C'est pourquoi nous devons grandir spirituellement pour devenir des hommes matures. L'apôtre Paul dit au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire un adulte spirituel, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. » Quand tu grandis spirituellement, tu dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Troisième vérité, nous devons développer les trois grandes vertus chrétiennes. Ce sont la foi, l'espérance et la charité. L'apôtre Paul dit au verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Nous devons développer ces vertus, la foi. Vous savez, quand on parle de la foi, il y a deux dimensions de la foi. Il y a la foi qui sauve lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous avons aussi la foi en tant que marche quotidienne. C'est-à-dire, tu dois croire, c'est une confiance qui est basée sur les promesses de Dieu, sur le caractère de Dieu. Et il faut développer la foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons développer aussi l'espérance. Nous savons que Jésus reviendra. C'est cette espérance que nous avons. Si nous prions, si nous demandons, si nous servons le Seigneur, c'est parce que nous avons une espérance que Jésus reviendra et les morts vont ressusciter et que Jésus reviendra nous prendre, nous irons avec lui dans les airs et nous régnerons éternellement avec lui. Ça, c'est notre espérance qui est vivante et nous devons toujours développer cette espérance-là. Et il y a la charité, l'amour agapé. Vous voyez, nous devons développer cet amour. et bannir toute méchanceté dans l'église, toute méchanceté au milieu de nous, toute méchanceté dans nos familles, bannir tout ce qui est jalousie, bannir tout ce qui est mauvais et développer l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Oui, mais l'apôtre Paul dit, la plus grande de ces trois vertus, c'est l'amour. L'amour ou la charité est plus importante que la foi, est plus importante que l'espérance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Ne permets Alléluia. Il est bon. Il est merveilleux. Il est plein d'amour, notre Dieu. Élevons ensemble nos voix et bénissons son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. Au microphone, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui suivent OSB en Côte d'Ivoire, dans toutes les grandes villes, à Boaké, à Bangourou, à Man, oui, à San Pedro, ceux qui nous suivent à Yamoussoukro, même en dehors de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Congo RDC. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSB avec des amis et des membres de famille. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous puissions développer cet amour qui ne périt jamais. Que nous puissions réellement nous rendre compte que les autres choses vont passer. Les dons spirituels vont passer. Mais l'amour est éternel. Prions pour que nous puissions développer cet amour. Prions le Seigneur. Père éternel, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi pour la manifestation de tes bienfaits. Nul n'est comparable à toi pour ton amour à notre égard. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, lui qui n'avait commis aucun péché, mourir pour nous. Père, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous prions et nous demandons, Père éternel, que l'amour de Dieu, l'amour véritable qui vient de toi, demeure en nous. Que l'amour de Dieu transforme nos vies. Que l'amour de Dieu nous conduise toujours dans le sentier de la justice. Que l'amour de Dieu soit le don qui demeure en nous. Père, tu déclares dans ta parole que l'espérance, la foi passeront, mais l'amour ne passera pas. Nous prions contre toute opposition, toute restriction de ton amour dans nos vies. Nous prions et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout corps étranger, toute présence étrangère en nous qui occupe la place de l'amour, qui empêche ton amour de s'exprimer véritablement en nous, de prendre le contrôle de notre vie, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Père, fais en sorte que l'humilité fasse partie de notre être et que nous soyons toujours disposés à recevoir ton amour, à le maintenir, à l'exprimer partout où nous nous rendrons. C'est à cela que tu nous as appelés et nous sommes reconnaissants pour cet amour qui demeure en nous. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Que chacun de nous prie pour qu'il puisse abandonner les comportements des petits-enfants et développer le comportement des hommes matures. Que nous puissions cesser de parler comme des enfants, de raisonner comme des enfants, de réfléchir comme des enfants, d'agir comme des enfants, mais que nous puissions être des matures. Au nom de Jésus, prions. Nous te disons merci ce matin pour la vie que tu nous donnes, la force que tu nous donnes d'être tous les matins très tôt dans ta présence pour pouvoir prier pour tous ceux qui nous écoutent. Merci parce que dans ta parole, dans l'évangile de Luc, tu nous dis que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons aussi grandir. Il faut qu'on cesse d'être des petits, des enfants, de communiquer comme des enfants, de parler comme des enfants, d'être mature, même dans nos foyers. Quelquefois, on prend des décisions d'être des enfants. Nous voulons te prier ce matin de nous aider à savoir diriger une réunion d'église, à savoir gérer les hommes, à savoir gérer les humeurs de ceux avec lesquels nous travaillons. Notre Dieu, notre Père, donne-nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance, Seigneur, pour te servir, parce que tu nous as choisis et tu nous as responsabilisés pour gérer l'église, pour gérer un ministère, pour gérer des hommes. Pour cela, nous devons cesser d'être des enfants, de réagir comme des enfants, de nous habiller comme des enfants et de nous comporter comme des responsables, comme des hommes sur qui tu peux compter, qui peuvent, notre Dieu, notre Père, solutionner certains problèmes. Nous t'appelons au secours. Aide-nous à savoir gérer nos foyers, nos ministères, les églises et les hommes qui sont sous nos responsabilités. Nous en avons besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que ces trois vertus soient une évidence dans notre vie. Que chacun de nous prie pour qu'il puisse développer la foi, développer l'espérance, développer la charité, l'amour agapé dans sa vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Shiloh, le Dieu vrai, le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ et qui ne nous a point laissé orphelins, qui nous a donné son esprit. Et par son esprit, ce matin, nous sommes là. Il nous est instruit de développer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Nous voulons prier, Père, qu'en toute ta circonstance, que tu nous donnes de garder, oh Dieu, la foi. Tu nous donnes d'être des hommes qui marchent selon la foi, selon l'espérance, qui croient à l'amour, qui croient qu'avec toi tout est possible à celui qui croit. avec toi, nous irons de grâce en grâce, de faveur en faveur, de croire aux promesses que tu nous as faites. Seigneur, la Bible dit que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de manifester l'amour en toutes choses. Tout, Seigneur, que l'amour prévale en toutes choses, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, que ça soit à l'église, en tant que pasteur, en tant que leader, que ça soit au milieu des frères, que ça soit au milieu de nos collègues, surtout aussi que ça soit à la maison, au milieu de la famille, que l'amour règne, que nous marchions par la foi, nous communiquons aussi la patience, parce que tu as un temps pour toutes choses. Merci Père pour cette merveilleuse journée que tu nous offres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vous demander de lever vos mains maintenant et recevez la bénédiction du jour dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour qu'en ce jour, quelqu'un qui a un problème d'argent, que le Seigneur vous visite de manière surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui a une facture impayée, que le Seigneur Jéhovah Jireh pourvoie de manière inattendue à tous vos besoins au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui veut voyager aujourd'hui. Que le Seigneur te couvre par son sang. Qu'il te garde. Qu'il garde ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Et quand tu reviendras, tu témoigneras que le Seigneur m'a béni dans ce voyage. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Et que cette journée soit une journée de grâce, de faveur divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.